Aïe! Pauvre petite! Yeah! Hein? Voici l'histoire d'une jeune adolescente voulant être femme avant son âge, voulant la reconnaissance dans les gangs, voulant qu'un homme s'est fait prendre par toute la bande. Sa naïveté et son innocence l'ont amené à faire des choses qui ont pas de sens. Sa loyauté et son inconscience ont fait en sorte qu'elle s'est fait abuser longtemps. Et ses parents, eux, ont vu le changement. Leur petite princesse n'est pas heureuse, elle fait semblant. Elle est troublée en sacrament, pas capable de dire la vérité facamment. Ouais, c'est l'histoire de la jeune Mélanie. Elle aime plus la vie, mais elle nie. Elle a la drogue comme remède, comme allié. Elle t'a moché comme ça, Stéphane, contre ma médaille. Alors pour gagner du sous, elle décide de souffrir. Elle connaît bien le domaine, puis elle est habituée de souffrir. Elle aurait préféré danser, mais elle avait pas l'âge. Aurait préféré s'en sortir, mais au-dessus de sa tête, qu'il y avait pas d'ange. Voici l'erreur de la jeunesse. Voici une fleur qui a perdu sa finesse. Face à la douleur, l'homme régresse. C'est devant la peur que l'homme connaît ses pires faiblesses. Voici l'erreur de la jeunesse. Voici une fleur qui a perdu sa finesse. Face à la douleur, l'homme régresse. C'est devant la peur que l'homme connaît ses pires faiblesses. Voici l'histoire d'un jeune adolescent voulant être thug avant son âge, bien avant qu'il veuille, mec, c'est dans le crime qui nage. Voulant venger toutes ses potes qui ont fait naufrage. C'est pas assez pour lui vivre dans la marge. À force de vouloir plein de fric, il se ramasse dans la marde. Les ennuis le rattrapent, mais lui y'en a rien à battre. Des ennemis qui veulent l'abattre, il se ramasse toujours à la sac. Monsieur s'en va la race, puis ne veut pas perdre sa place. Il fait beaucoup de coups dans rue pour briser la glace. Il tient toujours sa garde haute pour pas perdre la face. Fille, sexe, drogue, le vice qui se répand en masse. Pour lui son but c'est de répondre aux fantasmes. Verser dans une vie de fou sans jamais laisser de traces. Beaucoup s'entendent pour dire qu'il était correct. Ce matin les news disaient que le jeune faisait son dernier sommeil. Hey yo, tu me reconnais?